Chapitre 6e. Si la vie sociale et intellectuelle des peuples noirs présente toujours quelques côtés intéressants, il est rare qu'il en soit ainsi de leur vie matérielle. J'ai montré comment s'habillent et se logent les Gabonais. Le contact européen leur a donné le goût d'un certain confortable relatif, mais il n'a presque rien changé à leur mode d'alimentation. Au milieu d'une nature vigoureuse et puissante, ils n'ont su se créer que des ressources insuffisantes pour eux-mêmes et absolument nulles pour les étrangers. Auprès de leur village, on ne voit guère que quelques belles touffes de bananiers et de manioc. Dans leur intérieur, quelques arbres sacrés, voisins de la casse fétiche, et quelques ilangas, une liliacée qui a le privilège d'éloigner la foudre. Le manguier, introduit par les Européens, commence à y paraître. L'arbre à pain a moins de succès malgré les généreux efforts de la mission française. Aux habitations, on cultive, sur une plus grande échelle, la banane, le manioc, l'igname, quelques arachides, le maïs et la canne à sucre en petite quantité et enfin quelques aromates. Ces cultures changent fréquemment de place aux dépens des forêts voisines. Ce n'est pas un médiocre travail que ces défrichements. Les villages tout entiers émigrent à la fois pour cette grande affaire et vont camper sous bois. On dresse des abris recouverts avec les feuilles d'un balisier très commun, l'ongougou. Quelques femmes s'occupent de la cuisine, pendant que les autres, portant leur enfant sur leur dos, vont aider les hommes à débiter les arbres qu'ils ont abattus. Le soir, les danses s'organisent au son du tam-tam, car c'est la conclusion de toute chose, du travail comme du plaisir. Les feux brillent à travers le feuillage et jettent des reflets cuivrés sur ces intrépides danseurs à la peau reluisante de sueur et aux gestes lascifs. De nuit et de jour, c'est une vie, une animation inconnue au village. Chacun a chassé la paresse originelle et travaille avec ardeur. Mais aussitôt que la clairière est ouverte et le gros œuvre terminée, le naturel revient au galop et les hommes retournent chez eux se reposer de leur fatigue en laissant aux femmes le soin d'ensemencer seules le terrain qu'ils ont déblayé par un commun effort. C'est en somme pour la banane et le manioc que se développe cette activité. Tous deux semblent indigènes, bien que je n'ai jamais rencontré le bananier que dans des lieux autrefois cultivés. Cet arbre est pour le pays une ressource immense. On m'en a nommé 19 espèces réputées différentes, et j'ai eu moi-même occasion d'en adresser plusieurs variétés au jardin d'acclimatation d'Alger. Quelques-unes portent des fruits énormes, mais aucune n'a le goût fin et délicat de la petite banane si connue dans nos colonies sous le nom de figue banane ou figue fraissinet. Le manioc a, sur celui d'Amérique, l'inappréciable avantage de n'être pas toxique. Il subit une préparation toute spéciale. On le réduit en une pâte nommée gouma, après une macération préalable qui lui donne un certain degré de fermentation et un goût aigre et nauséeux, très apprécié des indigènes. C'est, avec le poisson sec et la banane cuite avant maturité, la base de l'alimentation. Les condiments ne manquent pas à cette cuisine élémentaire. Il n'est pas de pays, peut-être, qui soit plus riche en produits oléagineux inexploités. Avec l'amande concassée de l'oba, un beau manguier indigène se fait le dika, dont le goût et la couleur rappellent le chocolat. Produit remarquable que M. Aubry Lecomte, aujourd'hui conservateur de l'exposition coloniale, a le premier fait connaître. Deux arbres de la famille des sapotacées, le javé et le nungu, fournissent, le premier, une huile à demi concrète, l'autre, une graisse très ferme et d'une parfaite blancheur. Un arbre très élevé, le mpoga, produit une huile excellente, mais d'une extraction difficile à cause de l'extrême dureté du fruit qui la contient. Une légumineuse arborescente, le wala, donne une gousse énorme dont les graines sont oléagineuses et comestibles. Si l'on joint cette liste bien incomplète, le palmier à huile, qui n'est pas très commun, et l'arachide, dont les indigènes se soucient peu, parce qu'elle exige un certain travail, on voit combien ce pays est riche en matières grasses végétales et quelles ressources les habitants pourraient y trouver s'ils voulaient se donner la peine non de cultiver, c'est presque superflu, mais seulement de multiplier et de grouper les espèces utiles. Ne fermons pas cette revue sans parler des conditions de haut goût que produit le Gabon, mais qui sont d'ailleurs peu employées. En première ligne vient le maketa, gingembre doré de bonne qualité, puis le yangeber, l'énoné et plusieurs autres plantes appartenant à ce genre cardamone, dont les graines chaudes et aromatiques, connues dans le commerce sous les noms de malaguette, poivre de Guinée, grains de paradis, etc., ont été très employées autrefois chez nous dans les préparations pharmaceutiques et culinaires. un arbre de la famille des ananacées, l'ogana, produit des gousses d'un arôme un peu grossier. La muscade n'existe pas, je crois, dans le pays. On y trouve pourtant deux muscadiers, le kombo et le niowe, dont la noix est sans parfum mais très oléagineuse. Le vanillier est commun, mais non la vanille. J'ai rencontré en effet très souvent cette orchidée, sans avoir jamais vu son fruit. Les femmes qui emploient sa feuille pour des préparations de toilette ne connaissent pas sa gousse et son parfum. Il est donc vraisemblable que la fécondation et la fructification naturelle de cette plante sont ici plus rares encore que dans les espèces d'Amérique. Sensuel comme les Orientaux, le Gabonais prétend comme eux posséder des remèdes contre les défaillances physiques. L'aphrodisiaque le plus en renom est la racine de l'iboga, Taberna ventricosa, famille des apocynées. C'est tout au moins un excitant général qui pourrait remplacer le café. Les indigènes s'en servent dans les longues excursions en pirogue pour combattre le sommeil et ranimer leur ardeur. Les fruits de plusieurs stercculia jouissent de propriétés analogues. Le plus estimé est l'orang des rouges. Un autre, l'homme béné, Sterculia acuminata de Palizio de Beauvois, est bien connu sous le nom de noix de cola ou de gourou. Son goût âpre et sucré imprègne fortement les papilles de la langue et les rend momentanément insensibles aux saveurs désagréables. L'eau saumâtre paraît alors fraîche et sucrée, propriété précieuse qui fait rechercher ce fruit dans le Soudan où il est l'objet d'un commerce important. Il n'y a pas un seul voyageur en ce pays, depuis René Caillé, qui n'ait vanté ses vertus. Toutes ces substances ne coûtent aucun travail aux Gabonais et lui sont fournies par les forêts au milieu desquelles sont situées ses cultures. Ces forêts ont la vigueur et la puissance qu'on peut attendre d'une région inondée de soleil et de pluie. Autour d'arbres parfois gigantesques se tordent des plantes grimpantes d'une incroyable multiplicité, d'innombrables légumineuses, des liserons aux mille couleurs, des passiflores, des combretacées, des bignonias de toutes les formes. Deux ou trois espèces de vignes à pampres énormes et dont le raisin, de l'assez bon goût mais peu charnu, s'amélioreraient certainement par la culture. Des apocynées de toutes sortes, les unes sécrétant, comme l'inné, des poisons dangereux, d'autres, comme le ndambo, fournissant à la fois des fruits savoureux et une grande quantité de caoutchouc. La nomenclature même, très abrégée de ces richesses botaniques, serait interminable. Je ne puis me dispenser de citer l'oginagina, arbre à gomme goutte, le comé à houe à chandelle, arbre gigantesque qui sécrète une résine élémie abondante et dans le tronc duquel se creusent les plus grandes pirogues, des figuiers plus ou moins riches en caoutchouc inexploité et des bois de construction dont M. le capitaine du génie Sourio a envoyé des échantillons intéressants à l'exposition. On me pardonnera, je l'espère, ces détails botaniques, si l'on veut bien songer que le riche manteau de verdure dont ce pays est éternellement paré fait sa principale beauté, et que pour les Européens qui ne peuvent pas pénétrer dans l'intérieur, c'est presque son unique attrait. La faune, beaucoup moins variée, offre moins de ressources aux curieux. L'espèce humaine elle-même, avec ses mœurs décolorées au contact des Européens, ses vices que ne relève même plus cette âpre saveur de sauvagerie qui les ferait presque pardonner, je parle des gens du rivage, offre à peine de quoi piquer la curiosité du nouveau débarqué. Plus tard, elle n'excite plus que l'indifférence. Seule la nature végétale, si différente de la nôtre, et à chaque pas si différente d'elle-même, vient offrir un spectacle réellement varié aux yeux qui s'avilirent, en même temps qu'elle donne à l'esprit fatigué un aliment facile et inépuisable. Pour moi, donner un souvenir à ces riches forêts, où j'ai si souvent glané avec plus d'ardeur que de science, c'est presque faire acte de reconnaissance. Je leur dois le plus grand bien que puisse désirer un Européen, dans un pays si peu fait pour lui. Celui de n'avoir jamais connu l'ennui ni les soucis déprimants de la nostalgie.